Je connais le secret d'un trésor merveilleux. Les distances sont inconnues. On les dit infinies. La Terre est là. La Terre est proche. Nous volons à 1000 pieds. Marie à virer de bord. Cap sud-sud-est. C'est l'une des plus illustres expéditions maritimes de l'histoire. En 1785, deux navires, la Boussole et l'Astrolabe, quittent le port de Brest. À leur commandement, Jean-François de Gallo, comte de La Pérouse. Louis XVI lui a confié une mission d'exploration particulièrement ambitieuse. À bord des deux frégates, des officiers, des savants et des artistes pour peindre les paysages et les terres inconnues que s'apprêtent à découvrir les explorateurs. Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est qu'ils ne reverront jamais la France. Au terme d'un périple de 3 ans, les deux navires disparaîtront dans un naufrage à l'autre bout du monde, au large d'une petite île perdue dans l'océan Pacifique. Mais avant cette fin tragique, comment s'est déroulé le voyage de La Pérouse? Sur quels rivages inconnus les bateaux ont-ils accosté? Et à quelles épreuves l'équipage a-t-il été confronté? L'historien voyageur Bernard Jiménez est parti sur les traces de La Pérouse, du Pacifique Nord aux mers du Sud. Il s'est rendu sur les lieux visités par l'expédition. Et dans un livre paru aux éditions Glénat, intitulé « L'expédition La Pérouse », il nous invite à revivre cette exceptionnelle aventure humaine et scientifique du départ du port de Brest jusqu'au tragique naufrage. Cet après-midi, Bernard Jiménez nous emmène avec lui dans le sillage du comte de La Pérouse. Le temps d'un bivouac, Daniel Fievé, sur France Inter. Alors, monsieur de La Pérouse, le grand jour est proche. Nous appareillons le 1er août, Majesté. Tout est prêt à Brest. Je viens chercher vos ultimes recommandations. Elles se résument en une phrase. Nous devons faire aussi bien, sinon mieux que Cook. Je vous envie, monsieur de La Pérouse. Si je pouvais quitter Versailles pour m'embarquer, ne serait-ce que quelques jours sur votre astrolabe ou votre boussole. Votre voyage autour du monde doit être le bouquet de notre siècle éclairé. Lorsque vous rentrerez en juillet 1789, vous aurez tant de choses à me raconter. Ici, il ne se passe jamais rien. Bonjour Bernard Jiménez. Bonjour. En 1785, 4 ans avant la Révolution française, hein, Louis XVI craignait de s'ennuyer. Il va aussi se passer des choses en France, mais en 1785, La Pérouse se voit confier l'une des plus grandes missions d'exploration de l'histoire par Louis XVI. Les noms de ces deux bateaux, hein, la Boussole et l'Astrolabe, sont devenus mythiques aujourd'hui. Pourquoi cette expédition a tant marqué l'histoire de l'exploration maritime? Malheureusement, je crois que c'est parce qu'elle a disparu et que c'est aujourd'hui un mystère et qu'il reste encore des choses à découvrir. Il y a eu plusieurs expéditions de recherche à Vanikoro, et on n'a pas encore résolu toutes les énigmes. Et je crois que c'est pour ça qu'elle a cette notoriété. Alors, c'est aussi un voyage qui est en plein dans le siècle des Lumières. Hein. On n'y va pas uniquement pour des histoires marchandes ou des histoires de conquête de territoire. On y va aussi pour la connaissance, pour le savoir. Oui, Louis XVI était un roi géographe, mais il s'intéressait à toutes les disciplines scientifiques. Et si le premier objet a d'abord été commercial et de découverte, c'était aussi une ouverture à la science, et l'Académie des sciences, l'Académie de médecine ont donné un grand nombre de d'instructions pour pouvoir ramener des informations sur toutes ces terres qui allaient être découvertes à l'autre bout du monde et essentiellement dans l'océan Pacifique. Avec Louis XVI, qui semble curieux de tout, on l'a surnommé le roi géographe, mais ça semble aller bien plus loin, les intentions de Louis XVI. J'ai beaucoup pensé à ce voyage. J'ai pensé qu'il devait améliorer nos connaissances dans bien des domaines. Vous allez sans aucun doute identifier des peuples inconnus, des plantes nouvelles. Essayez de répondre aux questions qui préoccupent nos savants. La liqueur spermatique des hommes basanés, leur pulpe cérébrale et leur sang répondent-ils à la teinte de leur peau? Y a-t-il en Amérique des hommes dont les mamelles contiennent du lait assez abondamment pour nourrir des enfants? Enfin, monsieur, soyez curieux de toutes choses. Soyez curieux de toutes choses. Il faut se replacer dans l'époque. Il y a des tas de questions qui peuvent sembler un peu saugrenues aujourd'hui, mais qu'on se pose très sérieusement il y a 200 ans. Oui, tout à fait. On se posait des questions saugrenues, mais les savants, et notamment le chirurgien Rollin, va être un des premiers anthropologues. Il va effectivement mesurer les hommes, poser des questions, regarder quelles sont les mœurs, quelles sont les maladies, comment est organisée la société. Et les rapports qui ont été envoyés tout au long du voyage sont vraiment très très très intéressants. Il y a aussi dans la tête de Louis XVI et puis de La Pérouse cette idée de damer le pion un peu à James Cook, ce capitaine Cook qui a déjà fait 3 fois le tour du monde en 10 ans, qui a découvert nombre de contrées inconnues, et on a envie de reprendre un peu la main aussi. C'est vrai, il s'agit ni plus ni moins que de terminer les voyages de Cook, de placer les îles sur les zones blanches, de placer les côtes sur les zones blanches et sur deux zones surtout, la côte nord-ouest de l'Amérique. Il s'agissait de voir s'il y avait un passage dit du nord-ouest, c'est-à-dire qui rejoigne l'océan Pacifique à la baie d'Hudson, et aussi d'explorer la Manche de Tartarie entre l'île de Sakhalin et la Sibérie orientale qui n'avait pas du tout été étudiée par Cook et dont on n'avait pas de carte. Ouais. Alors pourquoi Louis XVI choisit-il La Pérouse pour cette mission dans laquelle, on l'a compris, il met beaucoup d'espoir? Alors, pendant la guerre d'Amérique, La Pérouse a été envoyée pour contrer les Anglais qui s'étaient établis dans la baie d'Hudson et pour couper le commerce des fourrures qui procuraient de l'argent frais à l'Angleterre. Donc, il est parti depuis les Caraïbes, il a remonté l'océan jusqu'au nord, jusqu'à Terre-Neuve, et ensuite il est rentré alors qu'il y avait un brouillard très très dense dans la baie d'Hudson. Il a surpris les forts anglais dans la baie d'Hudson, le fort Prince de Galles qui s'est rendu, et pour que les Indiens et les soldats anglais puissent passer l'hiver suivant, il a laissé des fusils, il a laissé de la nourriture, il a fait preuve d'humanisme. Ouais. Et je pense que il était déjà très introduit à Versailles, mais ce côté humanisme s'est répandu dans la cour, et c'est pour ça que le roi a choisi La Pérouse. Mais je pense de mon côté qu'il y a une autre raison. Ouais. Le ministre de la Marine à l'époque était le maréchal de Casserie, qui était venu à Albi, d'où est natif La Pérouse. Et donc chez vous son êtes oncle, natif également. Je suis natif. Et chez son oncle qui était évêque. Donc je pense qu'il y avait une proximité. De notre côté, Claret de Fleurieu était directeur des ports et arsenaux et il était ami de La Pérouse. Et ce sont Claret de Fleurieu, le maréchal de Casserie et le roi Louis XVI qui ont bâti l'expédition. Donc à ce moment-là, je pense que tout était réuni pour que La Pérouse soit désignée. Et lui-même, La Pérouse, est extrêmement motivé par ce voyage, qui lui demandera quelques sacrifices. Il abandonne son épouse, Éléonore, une femme qu'il a rencontrée sur l'île de France, l'actuelle île Maurice, dont il est amoureux contre la volonté de son père, qui ne voit pas d'un très bon œil cette union. Lui décide quand même de l'épouser, et puis là, il s'apprête à la quitter pour de longues années. Il l'épouse finalement, après maintes péripéties, mais l'appel du large est plus fort, et effectivement, il va laisser Éléonore chez sa belle famille à Albi, au château d'Hugo, et il va partir pour Versailles, pour préparer cette expédition. Alors, comment constitue-t-il son équipage? Alors, lui et surtout reste à Versailles pour régler tous les problèmes avec les académies de médecine et des sciences concernant les savants, mais c'est le second de l'expédition, Fleuriot de Langle, qui lui est à Brest et qui va recruter des marins, essentiellement des Bretons, parce qu'il dit qu'ils sont très très costauds, très forts et qu'ils se soucient guère de l'avenir. Ah oui. Il fallait avoir un peu d'inconscience pour se lancer dans un tel voyage. Je crois, parce qu'il s'agissait de partir vers des mers inconnues. C'était un peu comme aujourd'hui aller dans l'espace. On partait vers des terres inconnues avec des cartes qui souvent étaient fausses ou qu'il s'agissait de corriger. Oui. Alors les meilleurs officiers sont recrutés, chirurgiens, ingénieurs, savants, artistes. Quel âge ont-ils? Ils sont jeunes pour un tel voyage. Alors en moyenne, ils ont 25 ans. Oui. En moyenne, ils ont 25 ans. Mais ils ont, enfin, surtout pour les scientifiques, ils ont envie de découvrir. Ils ont, pour eux, c'est extraordinaire avoir accès à des plantes nouvelles, avoir accès à des, à de la géologie inconnue, et pour les ingénieurs également, avoir accès à de nouvelles terres, pouvoir tracer de nouvelles cartes, c'est un attrait qui est extraordinaire. Bernard Jiménez, vous racontez dans votre ouvrage l'expédition La Pérouse chez Glénat que le jeune Bonaparte, qui est à l'école à cette époque-là, voudrait prendre part à l'expédition et être recruté. Alors c'est vrai que Roux d'Arbaud, qui est un prodige en matière d'astronomie, est recruté et il est préféré à Bonaparte. Alors on trouve cela dans les papiers d'Alexandre de Mazis, qui était à l'école militaire avec Roux d'Arbaud et avec Bonaparte. Je ne sais pas si c'est vrai, en tout cas on le trouve dans les papiers d'Alexandre de Mazis. En tout cas, si Bonaparte avait embarqué, l'histoire du monde aurait été changée. Et oui, hein, on rappelle que les bateaux ne reviendront pas. La logistique, qu'est-ce qu'on embarque quand on part pour un long voyage? Alors déjà, les bateaux sont transformés, hein, c'était des navires marchands, mais oui, évidemment on les transforme. On les renomme aussi. Hein. D'ailleurs, on fait bien de les renommer parce que pour la postérité, au départ, ils s'appelaient comment? Alors, ces bateaux? Ils s'appelaient le Portefex et l'Autruche. Ouais. C'est vrai que l'Astrolabe et la Boussole, ça sonne mieux pour un voyage scientifique. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'on embarque à bord de ces bateaux? Alors, on embarque des vivres pour 3 ans de voyage. On embarque aussi des canons qui vont d'abord 6 canons qui vont d'abord servir de lest et qu'on ne mettra en place qu'après Macao, parce qu'on va entrer dans les mers de Chine où il y a des pirates. On embarque du blé noir, on embarque du froment. À bord, il y a, sur chaque bateau, il y a 2 paires de meules. C'est-à-dire qu'on va, moudre le grain sur les bateaux, il se conservera mieux. Et de l'angle même, sur l'Astrolabe, fait installer un moulin à vent, à l'arrière du bateau, pour faciliter le travail des marins. On emporte aussi beaucoup de choucroute. De choucroute? Oui, parce que par son acidité, elle protège la vitamine C du chou. Et donc ça avait été observé dans les voyages précédents et ça avait été dit à Londres, à Monneron, qui avait été en mission d'exploration à Londres avant le voyage. Monneron est l'ingénieur en chef de l'expédition. Il avait rencontré le peintre Weber qui était parti avec les voyages de Cook. Et donc, il avait pu obtenir certaines informations qui ont été ensuite utilisées pendant le voyage de la Pérouse. On redoute à cette époque le scorbut hein, sur les bateaux. On a peur de carence. Donc, on fait attention aux vivres que l'on emporte pour éviter les carences et garder l'équipage en bonne santé. Voilà. Alors, ne le savait pas encore exactement. Ça a été démontré depuis. Mais la vitamine C protège du scorbut. Et donc, c'était empirique, mais ça fonctionnait. D'ailleurs, à chaque escale, ils essaieront d'obtenir des agrumes. Alors, sur le pont du bateau, il y avait, comme vous avez dit, 100-110 marins ou hommes d'équipage, mais il y avait aussi 200 volailles, il y avait une trentaine, une quarantaine de moutons, trentaine, une quarantaine de cochons, 5 bœufs ou vaches. Et il fallait du fourrage pour tous ces animaux, et bien sûr, on les abattait au fur et à mesure du voyage. Et puis, ça a été évoqué tout à l'heure, les objets d'échange. C'est très important pour s'attirer les faveurs des peuples qu'on va rencontrer. Donc, c'est essentiellement des métaux, du fer en barre, du cuivre, du plomb, des clous, mais aussi des étoffes. Les plus belles étoffes rouges étaient offertes aux chefs pour se démarquer du commun des mortels. Et puis aussi des graines de verre qu'on appelait des rassades. Et qui était également offert aux populations rencontrées. Alors cette expédition fait rêver. Hein. À l'époque, tout le monde en parle. Vous parlez de Chateaubriand, jeune homme à l'époque, qui se promène sur les quais et qui aperçoit la Pérouse assez émerveillé. Vous-même, pour appréhender au mieux le déroulement du voyage de la Pérouse, Bernard Jiménez, vous avez décidé de vous rendre sur place. Dans quel but exactement vous avez eu envie de refaire ce voyage de la Pérouse plus de 200 ans après? J'ai eu envie de confronter ce que je trouvais dans les archives, dans les lettres officielles et les lettres privées. Quelquefois, il y a des différences entre les deux. De confronter le récit officiel, en fait, avec les lieux pour mieux comprendre ce qui s'était passé pendant cette expédition. À chaque fois, le voyage était préparé. Je rencontrais des historiens sur place. Et c'était une raison pour échanger la vue qu'avaient les habitants d'aujourd'hui sur place et ce qu'avait vu la Pérouse à l'époque. La Pérouse ne voulait pas que l'on aplanisse, ce sont ces termes, que l'on aplanisse son journal. Vous avez voulu en percevoir et ressentir toute l'épaisseur. Bernard Jiménez nous emmène avec lui le temps d'un bivouac à bord de l'Astrolabe et de la Boussole sur les traces de Jean-François de la Pérouse. Quels sont ceux qui partiront avec vous? Le professeur de Lamanon, géologue et physicien, correspondant de l'Académie des sciences de Paris, Prévost, malgré sa relative jeunesse, est botaniste et dessinateur. Grévy, maître en mécanique de précision, devra veiller au bon fonctionnement des montres et des instruments de navigation. Duché de Vancy, connu pour la rapidité de ses croquis et de son coup de pinceau, devra représenter les êtres exotiques vivant sur les rivages lointains, mais surtout l'aspect et les dimensions approximatives des îles que nous découvrirons. Une dernière question, monsieur Lapérouse. Combien d'hommes serez-vous ? La boussole aura 111 personnes à bord et l'astrolabe en comptera 112. Eh bien, bon vent, monsieur Lapérouse. Le temps d'un bivouac sur France Inter. Adventures in Paradise, c'était Minnie Riperton sur France Inter. Nous, Louis XVI, en cette année 1785, donnons ordre et instruction à Monsieur de la Pérouse de mener à bien une expédition autour du monde à des fins géographiques, scientifiques, politiques et commerciales. Il devra ouvrir de nouvelles routes commerciales, surveiller les activités britanniques et espagnoles, augmenter les connaissances géographiques et cartographiques, faire l'inventaire des richesses de la flore et de la faune des contrées visitées. Il devra se concilier l'amitié des principaux chefs et n'usera de la force qu'avec la plus grande modération. Sire, je demeure à vos ordres. Bernard Jiménez, historien, voyageur, quand le 1er août 1785, Lapérouse quitte le port de Brest, il doit être impatient. Le départ a été retardé plusieurs fois. Il est heureux enfin de prendre le large. Quel est le tempérament et la personnalité de Lapérouse ? Alors, je pense qu'il était ferme avec son équipage, mais profondément humain, profondément juste. Et puis, cette curiosité aussi, certainement, qu'il partage avec Louis XVI pour le monde. Il a cette envie de découvrir chevillé au corps. Tout à fait. Il a envie d'aller à la rencontre de ces populations. Et on est au siècle des Lumières. Il y a les idées de Rousseau qui sont dans l'air du temps. Il a envie aussi de confronter ses idées avec la réalité. Et oui, et on va voir que effectivement parfois elles ne correspondent pas exactement à ce qu'il avait lu dans les livres. La première partie du voyage se déroule bien. Son parcours dans l'océan Atlantique, c'est une partie de plaisir, on pourrait dire. Oui, il passe même le Cap Horn sans encombre. Oui. Alors après le Cap Horn, ça commence un peu à se compliquer. Il arrive d'abord sur la côte chilienne. Là, ça va encore. Et puis, il met le cap sur l'île de Pâques. Voilà, il met le cap sur l'île de Pâques. Il y arrive le 9 avril 1786, à l'endroit où Cook avait été quelques années plus tôt, dans la baie de Cook, donc. Et puis, des chaloupes sont envoyées sur la côte. Mais les naturels, comme ils les appelaient, les indigènes, se montrent turbulents, se montrent voleurs, parce que chez eux, tout appartient à tout le monde. Et ils avaient l'impression que sur les bateaux, c'était la même chose. Donc, la Pérouse est confrontée pour la première fois à ces naturels et comprend qu'il devra organiser les descentes à terre dans toutes les escales qu'il fera sur les îles du Pacifique. Il y a quelques anicroches, mais finalement, tout se passe bien. Et l'escale est très courte pour cette raison, je pense. Un extrait du journal de La Pérouse relatant justement cette rencontre avec ce qu'il appelle les naturels, ce sont les autochtones. Notre premier soin après avoir débarqué fut de former une enceinte avec des soldats armés rangés en cercle. Nous enjoignîmes aux habitants de laisser cet espace vide, nous y dressâmes une tente. Je fis descendre à terre les présents que je leur destinais, ainsi que les différents bestiaux. Mais comme j'avais expressément défendu de tirer, et que mes ordres portaient de ne pas même éloigner à coups de crosse de fusil les Indiens, qui seraient trop incommodes, bientôt les soldats furent eux-mêmes exposés à la rapacité de ces insulaires, dont le nombre s'était accru. Ils étaient au moins 800, et dans ce nombre, il y avait bien certainement 150 femmes. La physionomie de beaucoup de ces femmes était agréable. Elles offraient leur faveur à tous ceux qui voudraient leur faire quelques présents. Les Indiens nous engageaient à les accepter. Quelques-uns d'entre eux donnèrent l'exemple des plaisirs qu'elles pouvaient procurer. Et pendant les agaceries de ces femmes, on enlevait nos chapeaux sur nos têtes et les mouchoirs de nos poches. Tous paraissaient complices des vols qu'on nous faisait, car à peine étaient-ils commis que, comme une volée d'oiseaux, ils s'enfuyaient au même instant. Mais voyant que nous ne faisions aucun usage de nos fusils, ils revenaient quelques minutes après. Ils recommençaient leurs caresses et épiaient le moment de faire un nouveau larcin. Ce manège dura toute la matinée. On sent un certain désarroi hein, de La Pérouse. Eux sont venus pour donner des cadeaux, des plantes notamment. Il y a vraiment cette idée que l'interaction entre eux et ces populations qu'ils rencontrent doit être positive. Oui, c'est ça. Ils ont apporté, le jardinier voyageur du roi, Collignon, a amené des plantes de France et va en laisser sur l'île en expliquant aux insulaires comment les cultiver. Il va aussi laisser des animaux et de cette façon, ils veulent montrer que la France est là pour les aider, est venue un ami. Alors, on se dit quand même qu'après ce long voyage, arrivé sur l'île de Pâques, qui nous fait encore rêver aujourd'hui, n'y rester que 10 heures, ça paraît dérisoire. Il n'a pas le temps de rester plus sur les lieux qu'il visite avec ses scientifiques. Je pense que les scientifiques seraient sans doute restés plus longtemps, mais c'est par sécurité, voyant la façon dont ça se passait avec tous ces chapardages et ces naturels qui sont un peu excités à la vue de ces Européens et de toute leur richesse, ils décident de partir et finalement, ils ne vont passer que 10 heures sur l'île de Pâques, mais quand on regarde les dessins qui ont été envoyés depuis, ils ont fait des relevés extraordinaires, ils ont fait le cadastre de la baie de Cook où on voit les plantations, les maisons, ils ont dessiné les monuments. Et ce sont des dessins d'une très grande précision qui ont été faits très rapidement. Vous vous êtes rendu, vous, sur l'île de Pâques, Bernard Jiménez ? Oui, deux fois. C'est une île qui est vraiment extraordinaire. La moue dédaigneuse des statues de l'île de Pâques interroge toujours. Alors, l'inquiétude hein, qui fait qu'ils ne restent pas très longtemps, peut-être aussi ont-ils en tête ce qui est arrivé au capitaine Cook. Alors lui, c'était à Hawaï, mais effectivement, il a été tué et mangé par des habitants des îles d'Hawaï. Donc tout peut-être à fait. Qu'ils ont cette crainte en tête. Oui, parce qu'il y a... Il y a forcément des incompréhensions. Les Européens raisonnent avec une façon de penser européenne et les naturels ont leur propre code et il est très facile de choquer les naturels. Donc, effectivement, la Pérouse était très prudent. C'était le début du voyage. C'est la première fois qu'ils étaient au contact des naturels. Jusqu'à présent, ils ont fait des escales dans des possessions espagnoles ou portugaises. Mmh. Là, ils sont vraiment sur une île du Pacifique. Ouais. Alors, ils repartent et justement, ils passent par Hawaï. Là aussi, ils sont très prudents, ils ne s'éternisent pas, ils repèrent une île que Cook n'avait pas visitée, mais ils ne restent pas longtemps non plus. Oui, tout à fait. Ils font de l'eau, puisque c'est très important pour continuer le voyage. Ils prennent de l'eau douce sur cette île de Maui, mais très vite, ils repartent vers le nord. Ouais, ils repartent vers le nord avec cette idée de découvrir le passage du Nord-Ouest qui relie l'Atlantique et le Pacifique par le Grand Nord. À cette époque, on ne l'a pas encore trouvé. C'est un peu un mythe parce que ça ouvrirait des voies pour le commerce. Oui, c'est le point d'interrogation qu'avait laissé Cook. Et effectivement, c'était un début important du voyage, un début pointé par le roi Louis XVI. Et donc, ils vont aller au niveau du mont Saint-Élie, c'est-à-dire tout à fait au nord de cette côte nord-américaine. Et ensuite redescendre le long de la côte en inspectant autant que faire se peut les baies pour essayer de trouver ce passage vers la baie d'Hudson. Alors il découvre une baie qui ne figure sur aucune carte, difficile d'y entrer, mais une fois à l'intérieur, c'est beaucoup plus calme. Ils vont d'ailleurs la baptiser, cette baie, le port des Français. Le port des Français, oui. C'est une baie qui est vraiment très très très impressionnante, dominée par des sommets de plus de 5000 mètres, couvert de neige, de glaciers, avec une entrée qui est très étroite, et puis surtout un courant de marée très important. Quand ils veulent entrer dans la baie, les deux navires manquent de se perdre. Mmh. Ils arrivent à récupérer les navires, à entrer dans la baie, et là, ils imaginent faire un comptoir, établir là un comptoir pour la traite des fourrures, puisque cette région est très riche en fourrures, notamment en loutre. Un début important du voyage était d'essayer d'établir un commerce de peau de loutre entre l'Alaska et les Chinois, puisque la peau de loutre était très utilisée pour les chapeaux et les manteaux des mandarins en Chine. Donc c'était un des objectifs du voyage. Et donc au milieu de cette baie, il y a une île, et ils établissent un camp avec l'observatoire sur l'île. Alors, c'est à cet endroit, dans cette baie, que va se jouer le premier grand drame de l'expédition, qui en comptera plusieurs jusqu'à l'ultime drame, le double naufrage. Mais là, déjà, on pourrait dire le vent tourne. Jusqu'à maintenant, tout avait souri à la Pérouse et à ses équipiers. Cette fois-ci, c'est la première grande catastrophe. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, la Pérouse a ordonné à trois canots d'aller sonder la baie pour noter sur les plans les profondeurs du fond. Et il avait demandé d'être très prudent et surtout de ne pas s'approcher de la passe d'entrée parce qu'ils avaient observé ce courant très puissant. Et une des chaloupes s'approchera de la passe d'entrée, sera emportée vers l'océan Pacifique et la chaloupe coulera, les hommes vont mourir. Une seconde chaloupe va aller à sa rescousse et va être entraînée aussi. Alors je vous propose d'écouter justement ce drame raconté par le physicien Lamanon dans son journal. Le physicien Lamanon, c'est donc l'un des scientifiques qui accompagnait l'expédition. Monsieur de la Pérouse se félicitait, ainsi que nous tous, d'avoir été d'un bout du monde à l'autre, à travers toutes sortes de dangers, ayant fréquenté des peuples réputés barbares, sans avoir perdu un seul homme, ni versé une goutte de sang. Le 13 juillet, trois canots partirent à 5 heures du matin pour aller placer des sondes sur la baie. Ils étaient commandés par Monsieur d'Escure, lieutenant de vaisseau, chevalier de Saint-Louis. Monsieur de la Pérouse lui avait donné des instructions par écrit pour lui défendre expressément de s'approcher du courant. Mais au moment qu'il croyait encore en être éloigné, il s'y trouva engagé. Messieurs de la Borde et de Flassan, qui étaient dans le canot de la deuxième frégate, ne craignirent pas de s'exposer pour voler au secours de leurs camarades. Mais hélas, ils ont eu le même sort. Le troisième canot était sous les ordres de Monsieur Boutin, lieutenant de vaisseau. Cet officier, luttant avec courage contre les brisants, fit pendant plusieurs heures de grands mais inutiles efforts pour secourir ses amis, et ne dut lui-même son salut qu'à la meilleure construction de son canot, à sa prudence éclairée, et à l'activité et prompte obéissance de son équipage, composé de Jean-Marie, patron, Lostis, Lebas, Corentin, Gers et Monins, tous quatre matelots. Les Indiens ont paru prendre part à notre douleur. Elle est extrême. Émus par le malheur et non découragés, nous partons le 30 juillet pour continuer notre voyage. Un extrait donc du journal de La Manon, lu par Stéphanie Duncan. 21 hommes se noient ce jour-là. Le plus vieux n'avait pas 33 ans. Hein. C'est un véritable drame. On imagine l'ambiance particulièrement lourde à bord de l'Astrolabe et la boussole. Oui, pendant plusieurs jours, les matelots, l'équipage va chercher... va essayer de trouver des restes, des bateaux et des hommes, mais malheureusement, rien ne sera retrouvé, tout a été emporté vers le large. À quoi ressemble le port des Français aujourd'hui, Bernard Jiménez? Ah, c'est un lieu tellurique, c'est un lieu extraordinaire où on ne peut aller qu'en hydravion ou en bateau, on y a été en hydravion, et voir cette baie absolument calme, dominé par ces montagnes de 5000 mètres, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut dire aussi que c'est une zone où il y a des tremblements de terre énormes, et le plus fort tremblement de terre connu sur la planète a eu lieu à cet endroit-là. Il y a la trace d'une vague qui a atteint 528 mètres de hauteur. Mmh. Et si on regarde les dessins envoyés par l'expédition La Pérouse aujourd'hui, on voit sur le bord des montagnes la trace d'une énorme vague qui descend lentement vers la mer. C'est aussi la trace d'un tremblement de terre et du tsunami qui a suivi. Donc le lieu n'a finalement pas beaucoup changé aujourd'hui par rapport à ce qu'il était il y a 200 ans. Pour être allé sur l'ensemble des escales, c'est avec les îles Samoa, un des endroits qui n'a absolument pas changé. C'est un endroit où il n'y a aucune activité humaine, où simplement la nature est là, très très forte, très puissante. Et c'est là donc qu'a eu lieu le premier drame de l'expédition de La Pérouse. Il y en aura d'autres avant l'ultime catastrophe, le double naufrage. Mais la boussole et l'astrolabe sont lancés et il n'est pas question d'annuler une telle expédition. C'était In the Grease, The Falls sur France Inter, le temps d'un bivouac. Daniel Fievé. Oh, salut Moussaillon, prêt pour l'aventure? Le temps d'un bivouac. Après l'accident qui a endeuillé l'expédition de La Pérouse, la boussole et l'astrolabe quittent l'Alaska et descendent le long de la côte de l'Amérique du Nord jusqu'à Monterey. Alors là, Bernard Jiménez, vous qui avez refait le voyage de La Pérouse, un peu plus de 200 ans après, la côte a dû bien changer, cette côte américaine. Oui, La Pérouse était passée au large de la baie de San Francisco sans la voir, parce qu'il y avait du brouillard. Mais aujourd'hui, notamment Monterey est une ville qui a énormément grandi, mais il y a encore des monuments qui sont en place, le Presidio par exemple, et puis la mission de Carmel, où La Pérouse a été reçue par les missionnaires. Alors après avoir longé la côte américaine, la boussole et l'astrolabe se lancent dans une interminable traversée d'est en ouest du Pacifique, le plus grand océan du monde. Combien de temps dure cette traversée? Comment ça se passe? C'est une traversée qui va durer 100 jours, qui est interminable effectivement. Les marins commencent à être atteints, ont les premiers signes de scorbut. Les scientifiques voudraient descendre à terre parce qu'ils voudraient voir de nouvelles plantes, ils voudraient découvrir de nouveaux paysages. Mais l'objectif est de rallier Macao le plus vite possible. Ils découvrent une nouvelle île, comme vous l'avez dit, au nord d'Hawaï, l'île Necker. Les deux navires manquent se perdre également sur un haut fond, la basse des frégates françaises, qui a gardé ce nom aujourd'hui. Et puis, ils arriveront à Macao tout début janvier 1787. Ah ouais. 2 janvier 1787, ils accostent. Alors, ça fait un an et demi qu'ils sont partis. Que sait-on du moral des troupes à ce moment-là? Mais la soif de découvrir est toujours là. On a quand même une lettre de La Pérouse et aussi une lettre de Delangle qui dit que sa femme et son fils lui manquent. Ouais. Ce sont des humains, c'est normal. Bien sûr, et puis il y a des tensions aussi à bord, hein. Lassé des tensions à bord, c'est ce que vous dites dans votre livre. Certains savants vont loger en ville, hein, arrivés à Macao, et puis La Pérouse les ignore, semble-t-il un peu vexé, mais ne les invite pas lorsque les officiers sont conviés à des réceptions locales. Ils ne les invitent pas, alors les savants s'en offusquent. On sent quand même que, voilà, comme vous dites, c'est une expédition humaine, et il y a des vexations, des tensions. C'est ça, les savants voudraient être mieux considérés. Et pour La Pérouse, c'est à certains moments, c'est un poids pour l'expédition, parce qu'ils sont porteurs d'idées nouvelles et ils ne sont pas toujours d'accord avec La Pérouse. Donc, effectivement, à Macao, il y a des frictions, mais on notera dans les lettres, notamment de Lamanon, ouais, qui était le plus vindicatif, plus tard que finalement tout est rentré dans l'ordre. Ils sont très contents d'avoir La Pérouse comme chef d'expédition. Ouais. Alors, le voyage de La Pérouse a aussi des visées commerciales, hein. Vous nous l'avez dit. Et là, c'est l'occasion, arrivé en Chine, d'observer un petit peu l'état du marché. Voilà, c'est ça. C'est Dufresne qui va être chargé de vendre les peaux de loutre qui ont été emportées en Alaska. Mais il s'apercevra que le marché s'est complètement effondré puisque les Anglais ont mis en place un premier dispositif commercial, les Russes aussi, et donc c'était une fausse bonne idée. Ouais. C'est quelque chose qui ne sera pas développé par la suite. Mais on voit tout l'intérêt de ce voyage, hein, c'est effectivement de tester ou non s'il y a des opportunités commerciales dans ces régions du globe. Alors ça a fait un an et demi que les deux bateaux sont sur les mers, ils vont devoir être réparés à ce moment-là aussi en baie de Manille. Alors, en baie de Manille, les bateaux vont être mis en carène, c'est-à-dire qu'on va revoir complètement les voilages, les cordages et les coques. Alors, une fois le travail fait, l'expédition se dirige vers la côte sibérienne. Il s'agit de compléter les cartes avec des zones encore blanches, hein, parce que Cook n'est pas passé par là. Il y a plein de côtes dont on ne connaît pas les tracés. Voilà, c'était le deuxième point important en cartographie. Il fallait déterminer la forme exacte de l'île de Sakhalin. Et La Pérouse, en zigzagant au milieu de la Manche de Tartarie, qui est donc entre la Sibérie orientale et l'île de Sakhalin, va arriver, en discutant avec des Indiens qui vont faire un dessin sur le sable, va arriver à comprendre qu'il y a un passage entre l'île de Sakhalin au nord et la Sibérie. Et donc Sakhalin n'est pas une presqu'île, comme on pensait jusqu'à présent, mais est une île. Ouais. Et de la même façon, il va découvrir au sud de l'île de Sakhalin, entre Sakhalin et Hokkaido, un détroit qui aujourd'hui porte son nom, le détroit de La Pérouse. Et oui, les terres sont inconnues, tout reste à nommer, en tout cas pour les Occidentaux que nous sommes, évidemment. C'est le cas un petit peu avant aussi, une île inconnue aperçue au large de la côte coréenne. Et c'est l'un des scientifiques, Dagelet, astronome, jeune scientifique à bord, qui repère cette île. Alors on dit, ce sera l'île de Dagelet. Voilà. Alors à chaque fois, on donne comme ça des noms à la géographie que l'on rencontre. Et puis alors, ils continuent leur trajet et ils arrivent au Kamtchatka, dans le Grand Nord. Ils sont bien accueillis ? Oui, ils sont très très bien accueillis par le gouverneur russe qui va faire tout ce qu'il pourra pour leur fournir de la nourriture, du foin pour les animaux, du bois pour la cuisine. Et il va autoriser les savants à faire l'ascension du volcan Avatchinsky qui est à 25 km de Saint-Pierre et Saint-Paul, Petropavlovsk. Les savants vont aller faire cette ascension, vont faire des expériences au sommet. Et ensuite arrive quelque chose d'extraordinaire qui n'est pas encore arrivé à cette expédition. Pour la première fois, elle reçoit du courrier. Ouais. Alors La Pérouse est nommé chef d'escadre, mais ce sont surtout les nouvelles des familles qui sont importantes. Oui, près de 2 ans après le départ, c'est ça? On est à peu près à c'est deux ça, ans on après est en le septembre départ. 1787. Et pour la première fois, ils ont des nouvelles de leurs proches. D'où provient ce courrier? Comment est-il arrivé jusqu'au Kamtchatka? Mais on avait déterminé les escales auparavant, et donc des courriers avaient été envoyés à plusieurs escales, mais jusqu'à présent, soit le bateau qui amenait le courrier n'était pas arrivé, et là, le courrier est arrivé par voie de terre. Alors, il reçoit aussi l'ordre d'aller en Australie, dans ce que l'on appelle à l'époque Botany Bay, que l'on nomme aujourd'hui Sydney. Pourquoi on l'envoie précisément à ce moment-là, au Kamtchatka, on lui donne l'ordre d'aller en Australie? Alors, les Français ont été au courant que les Anglais allaient établir une colonie pénitentiaire à Botany Bay, qui avait été découverte par Cook. Et donc, le roi demande à La Pérouse d'aller à Botany Bay et de voir ce qu'ils font les Anglais. Autrement dit, après avoir traversé l'océan Pacifique d'est en ouest, il va le traverser du nord au sud, mais on est vraiment dans toute sa hauteur. Un autre grand voyage, une autre grande traversée s'annonce. Et avant même d'arriver à Botany Bay, ils vont passer par Samoa, les îles Samoa, dans le Pacifique Sud. Et là, encore un drame va se jouer. Oui, ils font escale sur l'île de Tutuila pour encore une fois prendre de l'eau douce, du bois. Et ils font une première aiguade, c'est comme ça qu'on appelle la corvée d'eau douce, dans une première baie, la baie de Fagasa. Ils remplissent un grand nombre de barriques, d'eau, et La Pérouse dit qu'il a vu que les indigènes étaient turbulents, donc il décide de repartir dès le lendemain. Mais de l'angle qui a été reconnaître une autre baie un peu plus loin, insiste pour le lendemain revenir compléter la corvée d'eau. C'est son second, de l'angle. C'est son second, voilà, dans cette autre baie. Et puis là, de façon incompréhensible, les marins sont attaqués, la marée descend et les chaloupes se posent sur le platier de corail. Donc il est facile pour les indigènes d'attaquer les soldats et il y aura 12 morts. Restez. Commandant, repliez-vous. À la nage. La Pérouse a entendu les coups de feu. Et en forme. Ah. Sauf qui peut. Combien? 5 hommes et Monsieur Delangle. Oh, mon Dieu. Il faut que j'écrive au roi. Dans cette fiction, on déplore 6 victimes. Dans votre livre, vous parlez de 12 morts. On est sûr aujourd'hui que 12 membres de l'équipage ont péri, dont le second de La Pérouse, Delangle, et le physicien, Lamanon. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous donnez plusieurs hypothèses dans votre livre. Est-ce qu'il y a eu une incompréhension? Est-ce qu'ils ont fait une erreur? Est-ce qu'ils ont eu un geste déplacé? Est-ce qu'il y a eu un malentendu entre les membres de l'équipage et les habitants de l'île? Alors, les survivants ont raconté la façon dont s'est déroulée cette altercation et puis ensuite ce massacre. Une des hypothèses est que Delangle a offert des cadeaux, mais a offert de beaux cadeaux à des gens qui n'étaient pas des chefs. Et donc les chefs auraient pris ombrage de cette chose-là. Et il y a ensuite eu cette attaque. Mais c'est très difficile de savoir exactement ce qui s'est passé. Après cet incident, La Pérouse refuse de mener des représailles. Il aurait pu, ils ont des canons à bord, ils ont des armes à feu. Ils auraient pu, pour l'exemple ou par esprit de vengeance, aller faire un carnage sur cette île. Oui, ils ne l'ont pas fait. C'est ce que souhaitaient, c'est ce que demandaient les matelots qui voulaient se venger, mais... Il ne voulait pas tuer des innocents et donc il a demandé à ne pas tirer et les bateaux se sont éloignés. Tout de même, dans son journal, La Pérouse critique Rousseau et son mythe du bon sauvage après ses expériences. Les philosophes se récrieraient en vain contre ce tableau. Ils font leur livre au coin de leur feu et je voyage depuis 30 ans. Je suis témoin des injustices et de la fourberie de ces peuples qu'on nous peint si bons parce qu'ils sont très près de la nature. Mais cette nature n'est sublime que dans ses masses. Elle néglige tous les détails. Il est impossible de pénétrer dans les bois que la main des hommes civilisés n'a point élagués, de traverser les plaines remplies de pierres, de rochers et inondées de marais impraticables, de faire société enfin avec l'homme de la nature, parce qu'il est barbare, méchant et fourbe. Confirmé dans cette opinion par ma triste expérience, je n'ai cru néanmoins devoir user des forces dont la direction m'était confiée pour repousser l'injustice de ces sauvages et pour leur apprendre qu'il est un droit des gens qu'on ne viole jamais impunément. Il est choqué par ce qu'il a vécu, la Pérouse. Oui, il est choqué, il est confronté à la réalité, mais il avait observé avant ce jour-là, il avait observé qu'il y avait des tensions et c'est pour cela qu'il voulait partir. La boussole et l'astrolabe sont de nouveau en deuil, mais le pire reste à venir. Le temps d'un bivouac. Don't Let Me Be, c'était Cassius sur France Inter. La programmation musicale du temps d'un bivouac est signée Thierry Dupin. Et en vue ! Nouvelle-Hollande ! Botany Bay est au rendez-vous, monsieur. Très bien. Nous accosterons demain. J'ai une mission importante à préparer. Vous savez que lorsque nous étions au Kamtchatka, j'ai confié une partie du résultat de nos recherches et le premier tome de mon journal de bord à mon ami de Lesseps, qui rentrait en France. Initiative prudente, monsieur. On ne sait jamais ce qui peut nous arriver. C'est pourquoi demain, je confierai une autre partie de ces documents au commodore Philippe, qui accepte de les rapatrier. Ainsi, nous pourrons aborder les terres nouvelles en toute quiétude. Et nous voilà donc arrivés à Botany Bay, à bord de l'Astrolabe et de la Boussole. Bernard Jiménez, si l'on connaît toute l'histoire que nous avons racontée depuis le début de cette émission, c'est parce qu'effectivement des documents, même si les deux navires ne sont plus très loin du naufrage maintenant, on a les documents de la première partie du voyage. Ces scientifiques ont fait un travail colossal, énorme, et qu'une bonne partie de leurs observations a tout de même pu nous parvenir. De quelle manière ? Oui, une première partie du journal avait été envoyée depuis Macao, une deuxième partie depuis le Kamtchatka par Lesseps, Barthélemy de Lesseps, qui a traversé toute la Sibérie pour aller jusqu'à Versailles. Oui, quand ils étaient au Kamtchatka, alors il était censé faire le traducteur russe Barthélemy de Lesseps, qui est d'ailleurs l'oncle de Ferdinand de Lesseps. Alors comme il n'est plus vraiment utile pour le voyage, il est tout jeune. Il a 21 ans et on l'envoie traverser depuis le Kamtchatka jusqu'en France. Il doit traverser la Sibérie en traîneau avec des documents ultra précieux. Oui, il va mettre un an pour gagner Versailles avec effectivement les rapports de la Pérouse, le journal de la Pérouse, des courriers, les rapports des savants, des dessins de Duché de Vinci, ouais, de Blondella notamment, et c'est grâce à lui et aux Anglais, comme vous l'avez dit, que nous avons aujourd'hui un fonds documentaire important sur cette expédition. Et d'ailleurs, quand il arrive en France, il s'attend à retrouver ses coéquipiers. Il pense que eux, en bateau, ont continué leur voyage et doivent être arrivés en France. Hélas, ils ne sont pas là. Et là, évidemment, l'inquiétude monte. Alors, à Botany Bay, quels sont les dernières informations, les dernières données que l'on a de la part de l'expédition La Pérouse? Alors, on sait que l'expédition s'en va le 10 mars vers les îles Tonga, vers La Pérouse suit ses instructions, vers la Nouvelle-Calédonie, et ensuite va remonter vers les îles Santa Cruz, mais depuis cette date-là, on n'a plus de nouvelles. En fait, La Pérouse a envoyé sa dernière lettre le 7 février. Des savants ou des hommes d'équipage ont envoyé des courriers jusqu'au 3 mars, mais depuis le 10 mars, on n'a plus de nouvelles. Et dans ses dernières lettres, il se décrit diminué, La Pérouse. Il a 46 ans à ce moment-là, si je ne me trompe pas. Oui. Il dit qu'il n'a plus de cheveux, qu'il n'a plus de dents. On sent quand même que le voyage a été rude et éprouvant. Oui, il écrit adieu jusqu'au mois, un ami, le Coutelx, adieu jusqu'au mois de juin 1789, dit à ma femme qu'elle me prendra pour mon grand-père. Donc c'est terrible. Alors c'est pour ça que je vous disais, sa dernière lettre est du 7 février. Est-ce qu'il était en bonne santé quand le 10 mars, il est parti de Botany Bay? Quand on voit comment il se décrit lui-même, on peut se poser des questions. Donc il a abordé l'archipel des Tonga, ça on le sait aujourd'hui. Il a reconnu la côte ouest de la Nouvelle-Calédonie. Et puis la suite, il a fallu attendre longtemps pour la connaître. Il a fallu des générations d'explorateurs et de savants pour déterminer le lieu et les conditions de ce double naufrage. On sait aujourd'hui que le drame s'est produit à proximité de Vanikoro, une petite île du Pacifique. Au terme d'une longue enquête de 200 ans, la chronologie du naufrage a pu être établie. Dans la nuit, le cyclone arrive, le vent les pousse, il les chasse et d'un seul coup se dresse la barrière. Le déferlant énorme de la houle qui se fracasse sur les têtes de corail. Le bateau, le réflexe est de mouiller pour essayer de se retenir et en même temps lance un signal pour le bateau qui suit en disant attention, pour nous c'est le drame. Le bateau mouille, il évite au vent, l'arrière s'encastre. L'autre bateau prévenu arrive à se dégager un petit peu. Au milieu du passage se dresse une cathédrale de corail sur laquelle l'astrolabe s'empale. Les mâts tombent, mais le bateau reste. Le naufrage a été terrible, mais aujourd'hui, les archéologues en ont la certitude. Il y a eu des survivants. Que leur est-il arrivé? C'est ce que nous verrons mercredi prochain dans Le Temps d'un bivouac, deuxième et dernier épisode de ce bivouac sur les traces du comte de La Pérouse. Merci Bernard Jiménez. Vous serez avec nous la semaine prochaine. Volontiers. Alors avec grand plaisir, je rappelle le titre de votre livre, L'expédition La Pérouse aux éditions Glénat. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Demain, notre bivouac cosmique reviendra sur l'exploration de Pluton par la sonde New Horizon. Et à 17h, nous découvrirons les histoires d'aventuriers malchanceux dont les explorations ont viré au fiasco. À demain donc pour de nouvelles aventures. Et juste après le flash, Anna Sigalevitch vous propose un Mac de l'été spécial en hommage à Toni Morrison qui vient de nous quitter.